attendu mon tour. Voilà, je réponds à l'appel. Demain sera le jour, la revanche est la belle. Le dernier recours, tant que chacun se réveille. La vie ailleurs, meilleure qu'ici. Et si on meurt d'envie d'une vie ailleurs. Aïe. Je sais l'absence, je sais le manque et Comment ça s'appelle le titre ? Ok, je vais regarder. C'était sympa, c'est bien. Thank you.